Y'en a marre des MC qui arrêtent pas de raconter la même. Le rap il se barre en couille, écoute, y'a que de la haine mon frère. Que des mecs qui représentent, je sais pas quoi, putain, il est où le message positif là-dedans, hein? Que des faux MC qui parlent sur mon sort. C'est sérieux qu'une menace de mort. Ici Christo au-dessus de tous les remords. Ceux qui croient avant moi n'ont pas tort. Sera que Christo n'a pas à s'interdire ce que les autres n'ont pas les couilles de dire. Moi n'en peux pas s'interdire de grandir. On a tous connu les erreurs, les pleurs, la rigueur que j'ai choisi de côtoyer. Tout par flou je m'exprime, j'exprime ma rage, la tristesse. Écoute, père fauché, la tendresse. L'amour qu'on devrait y mettre, un beau faux frère. J'en place une pour tous ces mères, tous ces pères. On est maintenant dans un monde où l'on n'arrive plus à se comprendre. Là où tout s'y perd, un monde où on se pente. Là où la haine est avant, là où la jalousie couche avec la trahison. Mais moi je garde la tête haute dans ma tête. Tant de monde qui s'éveille, tant de rêves qui s'émerveillent. Christo toujours là pour mordre à la gorge de l'or. Une politique irritable, un gouvernement instable. L'hostilité de mes semblables est inévitable. On sait tous qu'en cours j'ai jamais été brillant. Plutôt bruyant, brillant, jamais débrouillant. Toujours au rendez-vous des plans de truands. Tu sais rien à foutre comme disque, mon sang est périmé. Je reste vrai. Est-ce vrai que c'est ainsi qu'on obtient le respect? Pendant un certain temps, j'y ai bien cru. Que le silence, tu combattes de fond. On a menti en se disant si j'avais su. Un désert dans ma tête, allongé main dans le plafond. C'est là que tout se remet en question. Le rap et moi c'est comme Don Juan et la séduction. Sera que j'envisage toujours le pire. Je suis préparé psychologiquement. Toujours se dire que la vie est pleine de rebondissements. Que l'on exprime la tristesse, la tendresse. Exprime la tristesse, la tendresse. Dans le rap, j'y ai mis tout mon cœur. Malgré les détracteurs, j'y ai mis tout mon cœur. Pour y faire respecter mes valeurs. La rigueur, un rap réaliste. Mais les cris sont pleins d'honnêteté. Je fais que d'évoluer dans cette discipline. Pour moi, la lâcheté n'est qu'une chose indé. Je rappe avec mon cœur. Faire du rap, c'est vendre ma douleur. Avec